Donc, je voudrais en fait parler de trois choses dans cette présentation. La notion, Yannick parlait de la façon dont les urban studies en fait se sont un peu emparés de la religion récemment en fait. Hein. D'ailleurs, la géographie aussi anglo-saxonne a découvert le religieux il y a 7-8 ans. Donc, contrairement évidemment à la sociologie et la psychologie, où l'émergence de ces disciplines est très intimement liée en fait, aux faits religieux habituels. Et donc, parler un peu de cette notion de urban religion, qui est justement une notion qui a été produite par ce qu'on appelle les religious studies, les études religieuses en États-Unis, notamment en Angleterre, enfin en pays anglo-saxon plus ou moins. Je voudrais vous parler essayer de mettre ça en pratique. Dans une étude de cas d'un de mes terrains au Nigeria, Lagos, d'un projet dont je vais vous parler. Et parler aussi, mais ça c'est une partie un peu sous-développée, enfin qui n'est pas vraiment, qu'il faudrait redévelopper un peu plus longtemps, sur la notion de temporalité évidemment, qui mérite peut-être plus d'attention quand on réfléchit à l'espace. Le projet, beaucoup de données. Que je vais utiliser dans cette présentation sont issus d'un projet qui s'appelle Religious Urbanization in Africa que j'ai mené qui vient de finir, en fait, les projets ne se finissent jamais mais voilà qui est récent qui repose sur deux terrains au Congo, RDC et Nigeria et qui englobe à la fois le point de vue des aménageurs urbains, urban planners, des gens, des ONG, etc., qui ont affaire à la ville, qui ont un discours sur la ville, ou qui font la ville d'une certaine façon, ou qui la pensent, ou qui la planifient, et les acteurs religieux urbains, et en même temps, il y a aussi des interfaces entre les deux, avec des cas, des sites qu'on a étudiés, notamment comme Julie parlait des ONGC, ce qu'on appelle les Faith-Based Organizations, c'est-à-dire ces modèles hybrides d'églises, d'ONG, qui sont de plus en plus importants. Donc on a étudié les centres de santé, des infrastructures éducatives, hôpitaux, etc., dans plusieurs groupes religieux, catholiques, pentecôtistes, bon, à dominante chrétienne, hein, disons 80%, et puis des musulmans aussi au Nigeria et au Congo. Il y en a aussi au Congo, c'est très intéressant d'ailleurs à Kinshasa. Voilà pour le projet. Donc pourquoi Kinshasa et Lagos, bon, c'est des villes qui ont beaucoup de points communs, surtout au niveau de la méga urbanisation, c'est-à-dire du développement urbain très rapide, un peu anarchique, organique, etc. Les questions de périurbanité qui se posent, de tensions foncières, etc. Mais beaucoup de différences aussi au niveau des échelles de l'urbanisation religieuse, avec une urbanisation religieuse vraiment monumentale au Nigeria et un peu plus réduite au Congo, même si c'est des logiques qui sont similaires. Histoire coloniale différente, etc. Place de l'Église catholique très différente dans les deux pays, l'islam aussi. Bon, voilà la comparaison un peu des deux sites. Les interrogations qu'on a dans ce projet, c'est le rapport du religieux dans la ville, donc urban religion, et de l'urbanisation religieuse. C'est-à-dire, pour résumer, la religion vécue et la production des espaces. En fait, on s'aperçoit que c'est souvent amalgamé, et ou alors c'est, disons, le... Two sides of the same coin. Voilà, ça commence le vandale. Les faces d'une même pièce, voilà. Comment se pense l'urbanisation religieuse, donc cette idée de planning, de projection, mais aussi comment ça se matérialise, ça se concrétise. Les temporalités de l'urbanisation religieuse, quelles sont ces temporalités, comment elles sont mobilisées, mais en même temps, évidemment, il y a d'autres temporalités qui préexistent, et comment ça se passe, la négociation, entre ces différentes formes de temporalité. Quelles sont les frontières urbaines, symboliques, etc., qui sont produites, mais aussi reproduites, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de frontières qui existent déjà, et qui sont renforcées. Et aussi cette question des infrastructures. En fait, l'infrastructure, c'est le truc le plus boring, plus ennuyeux, en fait, dans les études urbaines. C'est-à-dire, c'est ce qu'on ne voit pas, en fait. C'est les réseaux électriques, etc., de l'eau, les routes. Et c'est vrai, c'est pas vraiment... excitant, exciting. Mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux énormes sur les infrastructures, le rapport à l'État. Évidemment, rien ne fonctionne sur les infrastructures. Et on prend ça pour... pour nous, c'est tout à fait normal. L'infrastructure existe seulement par son absence, ou par son dysfonctionnement. Donc là, on voulait mettre plus ça en avant. Quels sont les enjeux autour des infrastructures dans des contextes où les infrastructures sont syncopées, où il y a des coupures tout le temps, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, au niveau religieux, matériellement, mais aussi de façon plus métaphorique. Alors, je fais aussi partie d'un programme en ce moment, je suis basé en Allemagne, c'est un grand programme du centre Max Weber sur la religion et religion and urbanity. En fait, il y a beaucoup d'historiens, d'archéologues qui s'intéressent à la co-constitution et à la co-évolution du religieux et de l'urbain. Toute l'origine de la ville par rapport aux organisations rituelles, etc., le pouvoir politique qui est mythologisé il y a beaucoup d'études historiques, archéologiques là-dessus. Donc, il y a toute une réflexion sur comment ces deux pôles ont évoluent ensemble, se renforcent l'un l'autre, sont interdépendants, ce qui fait que la religion devient une pratique spatiale et non plus un effet collatéral, en fin de compte, des croyances. Quoi. Okay, on a un peu cet argument dans le pentecôtisme, que, en fin de compte, d'ailleurs les pentecôtistes vous disent ça aussi, non, on ne produit pas des espaces, nous on produit de l'individu, mais l'espace c'est juste une conséquence indirecte, mais en fin de compte c'est intéressant de critiquer ce que nous disent nos informateurs aussi et de voir ce qui se passe dans l'actualité, que la religion devient une pratique spatiale à part entière. Dans un contexte de l'urbanité post-séculaire, qui ne veut pas simplement dire le retour de la religion dans la ville, mais surtout pas mal de phénomènes qui sont, qu'on pourrait dire, entre guillemets, post-modernes, c'est-à-dire les brouillages entre le sacré et le profane, la religion qui est en même temps visible et invisible, c'est-à-dire l'islam, par exemple, c'est vraiment un exemple de ça, l'islam invisible est problématique, mais l'islam hyper visible est aussi problématique. Tous les conflits qui sont liés à ça, on parlait aussi avec Julie du religieux qui se fond un peu dans le paysage urbain, qu'on ne voit plus, etc., surtout avec le protestantisme et le pentecôtisme. La religion qui se dissout quoi, dans la postmodernité urbaine, même les méga churches aux États-Unis qui ressemblent à des shopping malls, à des centres commerciaux, si je suis arrivé. Donc on a toute cette réflexion, quoi. C'est pas que la religion a disparu, c'est pas que la religion renaît, etc., mais on a des nouvelles matrices d'organisation et du rapport aux non-religieux dans la ville, et notamment par rapport aux frontières. Je pense qu'il y a un thème assez intéressant. Et aussi au niveau des urban studies, il y a tout un revival, notamment en dehors de la France, des travaux d'Henri Lefebvre. Surtout aux États-Unis, évidemment, les théoristes français sont très populaires aux États-Unis. Et donc, on a aussi ce revival de Lefebvre chez les géographes américains, anglo-saxons, etc. Du néo-marxisme appliqué à ce qu'on appelle le planetary urbanism, c'est-à-dire l'urbanisation planétaire, qui fait que la ville n'a plus vraiment de forme, on ne sait plus où commence ou finit la ville, donc ça c'est vraiment des idées de Lefebvre sur l'urbain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire l'urbain à la ville, toute cette idée-là, évidemment, une perspective marxiste ou néo-marxiste, qui fait qu'on est dans un réseau planétaire urbain, donc ça, c'est un peu la trame de fond de toutes ces questions sur la religion et la ville, mais en fin de compte, on se rend compte que la ville existe toujours, elle est construite évidemment comme objet, comme repère symbolique, on parlait du pentecôtisme et des discours sur le village, toute cette diabolisation du village qui en fin de compte paradoxalement renforce le rural, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un réenchantement, ça c'est tout le paradoxe du pentecôtisme, un réenchantement de ce qui est combattu, quoi. Et en fin de compte, le rural est réinvesti de sens. La ville aussi a une importance allégorique, centrale, Nouvelle Jérusalem, etc., notamment chez les Kimbanguistes avec qui j'ai travaillé. Et puis la ville existe aussi dans son ambivalence. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on voit beaucoup. C'est notamment au niveau la migration, etc. Dans les grandes villes comme Lagos, Kinshasa, on vient à Kinshasa ou on vient à Lagos parce que ce sont des villes mondes, ce sont des villes tremplins, ce sont des villes qui sont connectées, ce sont des villes globales, etc. Des hubs ou qui traversaient de réseaux. Qui sont en même temps des centralités importantes dans différents types de géographie. Et on a des juxtapositions de géographie, donc des réseaux religieux, des réseaux migratoires, des réseaux économiques, des réseaux culturels, etc. Mais en même temps, c'est aussi la ville, c'est la ville du péché, évidemment, de l'immoralité, des tentations. Et c'est une ville qui reste un site privilégié donc de l'évangélisation. Et donc ça, c'est toute l'idée de Robert Orsi, qui a écrit Gods of the Cities, qui a été justement un des premiers, peut-être dans la fin des années 90, à retravailler ces notions c'est-à-dire à réinvestir la ville de son sens religieux et à réinvestir le religieux de son sens de l'urbain, en parlant de cette ambivalence comme un élément clé en fait de la religion, de urban religion, c'est-à-dire notamment que la force de toutes les narratives, les récits des conversions urbaines sont d'autant plus fortes que l'urbain est construit comme sombre, comme presque inhumain, vile, diabolique, etc. Donc il y a tout ce jeu du contraste qui en même temps rajoute de la force, rajoute du symbolique et rajoute du sens à ce qu'est la conversion ou l'évangélisation ou le prosélytisme quoi, dans le contexte urbain. Dans ce bouquin, vraiment, que je conseille à tous ceux qui sont intéressés sur... Il y a une introduction qui est magistrale de Robert Orsi qui s'appelle « Crossing the City Line », « Traverser les frontières de la ville ». Justement, il essaie de poser un peu des jalons théoriques pour expliquer. Mais il y a aussi des études de cas qui sont vraiment fascinantes sur, par exemple, l'armée du salut à New York, au début du siècle, du XXe siècle, où on parle de la construction des cathédrales, qui sont immatérielles, quoi, mais en même temps qui produisent une forme de matérialité avec du combat spirituel. Yannick, on a travaillé là-dessus aussi. À côté des boîtes de nuit, des bordels, etc. Bah, toute la ville devient évidemment un terrain de conquête, de reconquête. Et donc là, on s'aperçoit aussi que c'est lié à des problématiques surindustrielles, à la modernité. Donc, la question, c'est, ce sont des réalités occidentales. Est-ce que cette problématique de l'urban religion peut s'appliquer aussi au Sud ? Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de critiques. Mais un des apports de ce type de pensée, ça a été de décentraliser en fait tous les travaux, par exemple Eliade et tout ça, sur cette notion de sacré comme centre, comme institutionnel, pour un peu s'intéresser aux marginaux, aux migrants, un peu dans la continuité de l'école de Chicago, quoi, en fin de compte. Alors, un dernier projet auquel j'ai été associé, c'est un projet vraiment intéressant, qui s'appelait Global Prayers. C'est un projet allemand avec pas mal de financement aussi, avec des artistes, c'était un peu, ça allait un peu dans tous les sens, mais c'était vraiment bien. Et moi, ils m'ont donné un peu de sous pour faire un truc sur Atlanta, donc je trouvais, j'étais intéressé moi sur la religion périurbaine et tout. Et là, c'était un terrain qui était vraiment très difficile, c'est-à-dire, c'était. En fait, tout était basé sur le transport automobile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher. Moi, j'ai fait un terrain 3 semaines, j'ai pas marché pendant 3 semaines. Et tout est basé sur le transport automobile, etc. Donc, c'était pas vraiment. Et pour ça, personne ne fait de recherche dans ces conditions-là, quoi. Parce que c'est pas c'est pas en fait l'image qu'on a de l'ethnographie urbaine, quoi. Vous voyez, dans des quartiers. On marche, on hang out et tout ça. C'était pour la parenthèse. Et en fait, eux aussi, ils ont. Stephen Lanz a une définition de la religion urbaine comme à la fois un élément spécifique de l'urbanisation, donc la production de l'espace, mais aussi une expérience vécue. Donc là, il y a un peu de Lefebvre aussi, c'est-à-dire que la ville est produite par la pensée, par les représentations en même temps, c'est-à-dire que c'est la ville du développeur, de l'aménageur, mais aussi de l'habitant qui a ses propres cartographies, etc. Mais en même temps, c'est un processus toujours continuel où l'urbain et le religieux interagissent. Donc on a encore cette idée de réciprocité qui était intéressante ici. Et donc c'est assez compliqué de voir où commence l'urbain, où commence le religieux, le chicken and egg, tu vois, où ça commence. Encore du Van Damme, pardon. Voilà. Alors un des cas, donc là c'est une transition sur ce dont je vais vous parler, sur Lagos au Nigeria. Donc je vais surtout vous parler du Nigeria, pas trop du Congo. Je ne suis pas un spécialiste du Nigeria, moi c'est plutôt le Congo. Un de leurs études de cas, c'était la Redeem Christian Church of God, au RCCG, ou Redeem, à Lagos, notamment les travaux de Uka, qui a fait un super chapitre dans le bouquin Global Prayer sur le camp, en fait c'est un camp de prière où on a aussi travaillé. Et alors, bon, je ne sais pas si vous connaissez cette église, mais c'est un peu l'église cliché du pentecôtisme africain. Et notamment ce qui concerne l'organisation religieuse en Afrique, bon, et à raison, c'est une des plus grandes églises au monde, il y a à peu près des millions de membres, des milliers de paroisses, et ils sont connus, je ne sais pas si vous savez, ils ont un slogan, c'est le slogan des 5 minutes, c'est-à-dire un des slogans les plus importants, les objectifs, c'est de planter des églises toutes les 5 minutes dans les pays occidentaux. 5 minutes de voiture dans les pays occidentaux et 5 minutes à pied dans les pays du sud. Voilà. Donc c'est une espèce d'unité temporelle en fait qui produit une sorte de grille avec pour objectif la saturation territoriale. Et donc c'est assez intéressant donc, cette idée du mapping dans leur objectif de conquête, en fin de compte, du monde. Quoi. C'est une perspective globale. C'est intéressant de voir les différentes échelles spatio-temporelles. Et donc, c'est une église qui est connue pour son immense Redemption Camp, qui se trouve en périphérie de Lagos, qui est un énorme espace en urbanisation, près de 20 km². C'est une des plus, selon Azonzeuka, c'est une des plus grandes propriétés foncières du Nigeria et un des plus grands espaces religieux privés au monde. Donc là, on est dans des échelles vraiment monumentales, spectaculaires, ce qui fait qu'évidemment, on s'intéresse à ça aussi. Je ne vais pas vous faire l'histoire de l'église, mais la construction de ce camp fait partie vraiment du récit d'évolution de l'église. On parle comme un site qui correspond à une stratégie formidable, enfin formidable, enfin qui est impressionnante, on va dire, de capture spatiale de ressources et de domination territoriale. Donc là, on est dans l'économie politique, en fin de compte, de l'urbanisation religieuse. Et donc c'est un endroit qui a commencé comme un camp de prière et qui s'est transformé en véritable ville autonome avec son usine de production d'électricité, de traitement d'eau, donc c'est important ce côté des infrastructures, des banques, des espaces commerciaux, une organisation parapolicière, etc., des écoles, des centres de santé, donc on s'est intéressé à cet espace. Et c'est un espace qui se développe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est au niveau de Lagos, Ce camp a pris tellement d'importance, c'est-à-dire que donc il y a un événement qui se passe tous les mois, le premier vendredi de chaque mois. C'est important la temporalité, c'est-à-dire c'est là où les gens ont de l'argent, parce que quand ils sont payés à la fin du mois, ils ont plus d'argent le premier vendredi du mois, ou alors le dernier vendredi du mois, etc. Donc il y a toute une stratégie aussi ici. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des millions de personnes qui vont chaque mois à ces grands rendez-vous qui durent toute la nuit ou plusieurs jours certaines fois quand c'est Et ce qui se passe, c'est que les habitants de Lagos adaptent leur mobilité urbaine par rapport à ces développements. C'est-à-dire que le camp est situé au bord d'une autoroute, l'autoroute qui va de Lagos à Ibadan, et il y a un impact énorme sur la circulation. Donc là, c'est des échelles de millions de personnes qui sont concernées par ce calendrier religieux qui a un impact énorme sur la ville. Il y a les travaux de Karen Melly aussi qui travaille sur Dakar, qui a bossé là-dessus et qui bossait sur la route et sur la mobilité aussi, et qui parlait des pèlerinages à Touba aussi comme ayant un impact énorme sur la ville, sur la méga-city, quoi, la ville de Dakar. Donc c'est intéressant de voir ça. Et évidemment, quand on a ce qu'on appelle des go-slow à Lagos, il y a toute une économie informelle qui se développe autour de la mobilité qui s'arrête, des marchands ambulants, etc. Donc évidemment, l'immobilité est aussi productrice d'une économie informelle. Il se passe toujours quelque chose, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les discours religieux pentecôtistes, le thème du déblocage est toujours toujours important, quoi. Même au Congo, par exemple, j'ai bossé avec Mamolangi, c'est une église congolaise, et c'est vraiment leur thème principal. C'est que vous êtes bloqué. Votre mobilité à l'étranger est bloquée, votre mobilité professionnelle est bloquée, votre mobilité matrimoniale est bloquée, il faut vous débloquer, il faut vous libérer de ces carcans, etc. Évidemment, la libération passe par cette nouvelle identité born again, etc. Et ce qui, évidemment, c'est paradoxal, c'est que donc, ça crée des blocages énormes, évidemment, au niveau urbain. Et donc, l'Église essaie de négocier ça. Par exemple, ils créent des espaces à l'intérieur de la ville où ils vont diffuser ces grands événements sur des écrans géants. En même temps, ils veulent aussi que les gens y aillent. Donc, il y a cette tension entre... on veut toujours attirer les gens, on veut toujours rester un centre. Donc là, je montre ça à mes étudiants quand je parle de la religion urbaine. Bon, c'est pas terrible la pixelisation ici. Mais là, bon, c'est un temple qui fait 1,5 km de long qui s'appelle 3x3, donc 3 km par 3 km. Donc le but, c'est qu'il se passe 3 km de long sur 3. Et en fait, là, c'est des énormes bâtiments. Ici, je demande aux étudiants, voilà, pour vous, qu'est-ce que c'est, etc. Là, c'est des bureaux et tout, mais en fait, non, c'est des toilettes. Et voilà, donc c'est des bâtiments qui sont absolument énormes. Et voilà, encore ce côté infrastructurel. Et donc là, on a des échelles vraiment qui sont monumentales, qui sont spectaculaires. Et on s'est beaucoup intéressé à ce camp-là parce que c'est un modèle au Nigeria, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de camps religieux qui sont développés autour de cette même autoroute périurbaine, enfin, qui lie Lagos à Ibadan. Marlos Johnson parle d'une spiritual highway, donc une autoroute spirituelle, et ce qui fait que même les musulmans copient ce modèle, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés aussi au modèle pentecôtisme, au modèle urbain du pentecôtisme. Ils organisent aussi beaucoup de réunions de prière le dimanche pour capter justement la clientèle pentecôtiste. Enfin, c'est très intéressant tous ces phénomènes d'échange, de mimétisme, et ce qui fait aussi que le modèle de ce camp essaie de se développer dans la diaspora nigériane. Donc il y a un camp en construction au Texas, par la même église. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette autoroute, c'est la spiritual highway, mais c'est aussi la highway of death, c'est-à-dire il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts, encore cette ambivalence de la ville et de la mobilité. Et en fait, on n'a pas parlé beaucoup du Congo, mais quand on a fait des interviews à Kinshasa, et clairement ce modèle de la ville autonome, de la ville religieuse, en fait, est important aussi pour eux. Donc Mamolangi, qui est une des plus grandes églises congolaises, enfin Kinshasa, j'ai interviewé le fils Olangi, parce que dont les parents, ils sont morts l'année dernière. Et donc il y avait tout un truc de succession, et on a réussi à interviewer des enfants. Oui, notre leader, enfin Maman Langui, notre mère, allait souvent au camp, anonymement, et c'est devenu un modèle, on voudrait faire pareil. Donc ils ont acheté un espace en banlieue de Kinshasa, mais vraiment les échelles sont vraiment différentes. Nous voulons suivre ce modèle et même le surpasser. Bon, j'ai failli dire, ouais, on allait avoir du mal à surpasser, mais bon, j'ai rien dit. Mais bon, tout ce truc de l'objectif, de l'aspiration, qui est très intéressant d'ailleurs, rien n'est impossible. Même surpasser le redeem n'est pas impossible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit le prestige des églises en langue anglaise dans les pays francophones. Il y a une incursion de certaines églises comme Christ Embassy, etc. Bon, ça aussi, c'est un peu intéressant. Et on voit que Lagos devient une sorte de centre, une ville globale, en fait, du pentecôtisme, tout comme Kinshasa, de toute façon. On a eu toute une réflexion sur, alors, est-ce que ces camps religieux, ces villes alternatives, en fait, produisent une anti-ville, quoi. C'est-à-dire, les discours nous parlent d'une ville qui est remoralisée, où il y a de la sécurité, où il n'y a pas de péché, voilà, où il y a de l'ordre, du calme, etc., et où on est autonome. Ça, c'est vachement important, l'autonomie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant des rythmes syncopés de la ville, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand l'électricité revient, on ne sait pas quand on aura de l'eau. Philippe Debeuc parle beaucoup de ça dans ses travaux sur Kinshasa. Et là, on a vraiment une économie politique de la permanence, qui est très importante, qui est une sorte de fierté. Et d'ailleurs, il y a une autre ville qui se développe, je ne sais pas si on voit bien, Canaan City, c'est une autre église qui fait ça, donc qui crée une sorte, encore, c'est la banlieue américaine, quoi, comme modèle, c'est vraiment intéressant. Et leur font la pub, bienvenue sur une ville d'exception, une ville où Dieu produit du feu, une ville où on peut... on peut avoir l'expérience du paradis sur terre, une vie qui est illuminée 24 heures sur 24 par la gloire de Dieu qui a avalé l'espace, une ville où il n'y a plus de nuit, une ville où c'est tous les jours Noël. Donc là, cette idée de la permanence qui est réinvestie d'un sens, disons, religieux, en même temps, qui ne peut être que pensée par rapport à la ville dysfonctionnel, quoi. En fait, c'est ça implicitement. Une autre ville, enfin un autre espace religieux dont on s'est intéressé, c'est Covenant University. Là, c'est une université qui a été créée par une église, une autre méga church nigériane. On a fait un terrain là-bas aussi. Et donc là, c'est pas vraiment de construire une alter city, une autre ville, mais c'est de construire une autre université. Il y a tout un discours sur comment les universités laïques au Nigeria sont investies par ce qu'ils appellent des cults. Les cults, c'est un peu des petites associations criminelles qui sont plus ou moins occultes. Et il y a tout ce discours-là sur nous, nous sommes une université morale, il n'y a pas ces cults, il n'y a pas de drogue qui circule, il n'y a pas d'armes. En même temps, c'est vachement réglementé. Moi, je dis à mes étudiants, ce passage, je vous envoie là-bas. C'est-à-dire que pas de téléphone portable, pas d'internet, ils prennent la puce des téléphones, etc. Mais évidemment, la technologie évolue tellement que c'est toujours possible de transgresser ça. Ils ont ce concept du total man, c'est-à-dire il y a une éducation morale très importante, physique, spirituelle, etc. Donc ça, on retrouve ça aussi beaucoup dans tous les récits d'éducation. Donc l'éducation religieuse est en plein boom en Afrique, c'est très intéressant. Au Congo aussi, on a vraiment cette même référence holistique par rapport à l'éducation laïque. Donc, évidemment, faut prendre ce discours de l'alter city avec des pincettes. Ce ne sont pas des villes qui sont inclusive, je ne sais pas si ça se dit. De la même façon, ce sont aussi des villes qui sont poreuses. L'informel est toujours là. L'informel l'informel est très dur à contrôler. Mais il y a une peur de ça. Mais c'est des villes aussi qui, en fin de compte, ne sont pas dans leur projection des hiérarchies. Il y a un article de Osinilou qui a bossé là-dessus. Et en fait, il parle de ces villes comme des réfractions, c'est-à-dire ce sont des miroirs des inégalités qui existent ce ne sont pas des villes qui sont en dehors de la société nigérienne du tout, et donc il faut vraiment faire la part des choses entre le discours et la pratique. Ce sont des villes qui reproduisent les statuts des élites, même au niveau rituel, la façon dont les gens sont assis dans les églises, etc. Donc, c'est des villes qui sont pénétrées par le profane, par le commercial, etc. Et alors, tous les travaux en fait de Hunka, en fait, lient ce développement de l'urbanisation religieuse au Nigeria avec l'économie néolibérale. Mais en fait, il ne pousse pas trop la réflexion théorique là-dessus. Et moi, ce que je voulais faire, c'est-à-dire un peu le provoquer à distance et lui dire, voilà, pourquoi on n'appliquerait pas une géographie marxiste sur, en fait, ces exemples de urbanisation religieuse. Et donc, un des plus grands géographes néo-marxistes actuels, c'est David Harvey, qui a beaucoup écrit sur ce qu'il appelle le special fix, c'est-à-dire comment le capitalisme, en fait, pour lui, sa géographie, c'est une géographie qui réhabilite le temps par rapport à l'espace, pardon, l'espace par rapport au temps, c'est-à-dire qu'il y a toute cette idée que l'exploitation capitaliste, c'est une expression par le temps, c'est-à-dire qu'on exploite le temps de l'ouvrier, hein, c'est la plus-value basée sur le temps. Et donc, évidemment, Marx parlait aussi de l'espace, et donc là, il y a une conceptualisation beaucoup plus explicite de l'espace par rapport aux logiques internes d'absorption du capital, mais aussi externes, c'est-à-dire pour résoudre les crises d'accumulation du capital et du travail, le capitalisme se doit de s'étendre. Il y a ça aussi chez d'autres marxistes. Et c'est vrai que ce sont des cadres un peu réducteurs, etc. Mais la question est de savoir si est-ce qu'on peut appliquer ça au processus d'urbanisation religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que le fixe, la notion de fixe en anglais, ça veut dire l'ancrage, mais ça veut aussi dire c'est une solution, quoi. Et c'est une solution à un problème de crise, notamment un problème de surproduction, etc. Mais c'est aussi une dose, c'est-à-dire le fixe, c'est comme une dose quoi, d'un drogué, quoi. C'est-à-dire c'est tellement inhérent au capitalisme qu'on ne peut pas parler d'espace comme quelque chose de collatéral, c'est-à-dire c'est vraiment impliqué dedans. Et il parle des nouveaux paysages du néolibéralisme, la période d'urbanisation, par exemple, qui n'est pas un effet, mais qui est vraiment propre au développement du capital néolibéralisme, etc. Et donc, avec le développement de ces espaces périurbains, où il y a énormément de ressources financières qui sont impliquées, il y a des investissements énormes dans les résidences, il y a des enjeux commerciaux, il y a des investissements, il y a des développements infrastructurels. On peut se poser la question de savoir si, en fin de compte, ces espaces-là n'agissent pas ou ne peuvent pas être présentés comme des special fix, quoi. Et on peut se dire que l'expansion et le déplacement géographique, il est aussi inhérent à une forme de discours ou de pratique religieuse de pentecôtisme, hein, d'une dynamique opératoire. Et tout le discours sur le camp, c'est we have been given by God a city without boundaries. Dieu nous a donné une ville sans frontières. Donc déjà, de façon inhérente, l'idée d'expansion est construite dans l'espace, quoi. Dans le fait que la dotation de l'espace, évidemment, associée à une vision, etc., n'est jamais clôturée. David Harvey parle de l'accumulation par dépossession, c'est-à-dire la conquête, l'intériorisation du capitalisme qui s'opère par une conquête des biens communs, la privatisation, etc. Et on a ces phénomènes-là qui s'opèrent aussi dans la nation religieuse, c'est-à-dire on a même des discours des aménageurs avec qui on a parlé, qui nous parlent d'une colonisation urbaine de ces églises, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est la tension entre mobilité et immobilité dans les flux capitalistes. Simon Coleman a aussi réfléchi là-dessus, enfin moi aussi j'ai réfléchi là-dessus, j'écris sur l'argent, c'est intéressant de voir comment l'argent réalise et matérialise aussi, en fin de compte, le religieux à travers l'espace. Et en fin de compte, la thésaurisation qu'on peut peut-être associer à Weber, ici, mise en opposition avec la nécessité d'externaliser en fait l'argent qui doit toujours circuler, keep going, keep the flow going. Simon parle beaucoup de ça en contrastant ça avec l'utilisation comme quelque chose de stérile en fin de compte. Hunka aussi parle de l'inflation. Donc là, on est dans des dynamiques foncières, disons, pas du tout religieuses, séculaires. spéculation, inflation, même bleu. 5 minutes ? Ok, non, c'est passé. Et blanchiment. 5-10, c'est bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que l'espace permet, donc l'immobilité, c'est-à-dire quand on construit quelque chose d'immobile, permet aussi l'expansion. C'est-à-dire plus on construit des espaces grands, plus on attire des gens, plus on récolte de l'argent. Cette idée d'expansion est aussi impliquée dans ces espaces monumentaux, ce qui fait qu'on a une tension, toujours une tension entre mobilité et immobilité. Mais en fin de compte, on peut critiquer aussi cette lecture d'économie politique en fin de compte mettant l'accent sur le côté symbolique, évidemment, qui est très important dans ces constructions d'espaces monumentaux, dans un contexte de rivalité entre ces églises, et ce que Brian Larkin appelle la dualité des infrastructures. Ces infrastructures deviennent des signes en tant que tels, des signes ici d'autonomie, par exemple, des signes d'élection divine. Bon, il y a toute une réflexion aussi sur est-ce qu'on doit imposer, comment on peut imposer des lectures occidentales, marxistes, etc., sur les réalités du Sud. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, s'attacher au spectaculaire, ça peut aussi en fait, nous éloigner du quotidien, du mundane, du banal. Et en fait, on s'aperçoit qu'une église comme Redeem a aussi une présence dans les bidonvilles. Donc là, c'est un Marcoco, c'est un bidonville flottant. Et là, on est vraiment à des lieux de la ville. Et donc, c'est ça le génie du pentecôtisme urbain dans des villes comme Lagos. C'est-à-dire qu'il est à la fois spectaculaire et à la fois complètement quotidien. Il s'ancre comme ça dans le... Et en fait, c'est un espace qui est menacé par les promoteurs. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans des logiques complètement inverses. Et en fin de compte, les gens qu'on a interviewés de la même église se disent complètement dépourvus de pouvoir par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas mobiliser, en fin de compte, leur contact dans l'église pour empêcher ça. Donc ils sont en même temps aussi victimes de ses propres forces, quoi. Ce qui fait que, à mon avis, ce qui explique le succès, c'est-à-dire qu'on a cette imbrication complètement totale dans la réalité urbaine. Et il n'y a pas que le périurbain. On a fait aussi une étude de la transformation d'un quartier de Lagos, un quartier intra-urbain, où en une quinzaine d'années, l'église, notre église MFM, notre méga church, a acheté une vingtaine de résidences, a complètement transformé le quartier, une sorte de gentrification religieuse, qui a poussé les habitants dehors. On a discuté des aménageurs qui nous parle d'une humanisation de droit divin. C'est-à-dire, oui, ces églises, en fait, ne connaissent pas d'obstacles terrestres. C'est-à-dire qu'il y a cette force du discours « Dieu nous donne, Dieu nous permet » qui fait qu'on est complètement, disons, « powerless », quoi. On est dépourvu par rapport de pouvoir, par rapport à ces logiques énormes. Et en même temps, il joue beaucoup avec les faiblesses bureaucratiques de l'aménagement urbain, au Nigeria, la corruption, etc. Et en même temps, il y a ce soft power qu'ils utilisent beaucoup, c'est-à-dire le bruit. Ils chassent les habitants au fur et à mesure avec le bruit. Ils proposent aussi des primes à les habitants, peut-être 2-3 fois plus les prix du marché. Donc il y a vraiment des stratégies de conquête territoriale dans le centre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas évidemment construire des espaces énormes aussi, mais il y a cette densification. Voilà. Donc je voulais finir avec les questions de temporalité, mais bon, j'ai pas vraiment le temps. Un petit problème de temporalité. Mais... Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, on a des temporalités multiples dans ces processus de réalisation d'urbanisation religieuse, et notamment cette idée que l'aménagement est impossible parce que il y a une impossibilité de planifier le futur, même le futur proche. C'est-à-dire que l'aménageur arrive toujours en retard, catching up. Voilà. On essaie de rattraper le retard, mais c'est toujours difficile. Il y a toujours un fossé, un écart, voilà. Et en fait, le présent devient permanent, la temporalité devient ouverte. Et tout peut arriver, en fin de compte, dans le présent. De Beuck aussi parle de ça. Donc, je pense que c'est... une vision un peu romantique aussi de l'informalité urbaine, mais bon, bref. La crise, en même temps, n'est plus un moment heuristique où tout se révèle, et voilà, hein, c'est ça en grec, hein, crisis, tout se révèle. La crise devient un truc qui est multidimensionnel et qui dure des années, qui n'en finit pas. Mais en même temps, les temporalités sont, certaines temporalités sont dangereuses, notamment les rythmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours le danger du in-between, de la liminalité. Donc dans ces grands espaces, en fait, les gens viennent souvent de façon rythmique, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a cette peur des incursions de l'informel, ce qui fait que la résidence, on construit des maisons pour que les gens y habitent, pour qu'il y ait une sorte de continuité. Sinon, on a peur que ça devienne des espaces fantômes. Les bâtiments non finis sont aussi des dangers, c'est-à-dire qu'on ne veut pas attirer Carla qui est ici dans la salle, qui fait sa thèse sur les églises au Togo, c'est ça? Au Bénin, pardon. Nous parle aussi de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand les bâtiments ne sont pas finis, sont en moitié construits, etc. Donc ça c'est très intéressant, la liminalité. Et en fin de compte, il y a tous les travaux en fait sur la temporalité évangélique et pentecôtiste, notamment de Jane Guyer, qui travaille sur ce qu'elle appelle les temporalités ponctuées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de continuité, c'est-à-dire qu'il y a, il y a le présent qui est très important, c'est un présent de rupture, un présent de promesse, et puis il y a le futur eschatologique, mais il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de futur proche, il n'y a pas vraiment de moyen terme. Bon, ça peut être vraiment... bon, c'est vrai qu'il y a une expansion eschatologique, donc ça c'est les discours des aménageurs de la ville Redeem. Oui, on s'étend, we are expanding, on s'étend jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc là on a vraiment cette expansion, encore cette idée, il n'y a pas de frontières, etc. Et en même temps, de l'autre côté de l'axe temporel, on historicise les infrastructures. Donc ça c'est le premier générateur qui est utilisé. Un des premiers, le premier d'ailleurs, et donc ils ont mis ça un peu sous, ils ont un peu muséifié le truc, mais attention, non, c'est pas, on l'a pas déifié, etc. Il y a aussi cette tension, faire attention aux objets, mais en fin de compte, on se retrouve à l'axe de départ de cette temporalité infrastructurelle, qui montre en fait la progression entre ça et les turbines à gaz qui produisent l'énergie d'une ville, quoi. Et en même temps, le moyen terme, je pense qu'il est toujours important, donc c'est une critique qu'on peut amener aux travaux de Jane Guyer, notamment l'objectif de Covenant University. Là, ils ont une vision, c'est-à-dire d'être l'université, une des 10 premières universités du monde, bonne chance, good luck, en 2022. Donc là, c'est proche, hein, c'est futur proche. Donc évidemment, le moyen terme est toujours important, mais évidemment, ce qui se passe aussi... Je travaille là-dessus sur les dimanches. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne se réalise pas, quoi. Ouais. C'est toujours très intéressant, les retemporalisations. Donc là, on attend 2022 pour voir ce qui va se passer. Donc voilà, le pentecôtisme, souvent défini comme centré sur une rupture individuelle spirituelle, antimatérialiste, qui serait productrice, en fin de compte, indirectement d'un environnement social et spatial. En fait, ce discours-là est important même chez les pentecôtistes eux-mêmes qui vont vous parler de ça, mais en fin de compte, moi, mon avis, c'est qu'on a une pratique spatiale urbaine à part entière. La négociation des rythmes, en fait, je pense que c'est super important au niveau, infrastructurel aussi, de ce qui est invisible, l'électricité, l'eau, etc. Et en fin de compte, je voulais aussi parler de ce que Julie aussi parlait, cette urbanisation pionnière. Qu'est-ce qui se passe quand on construit de l'espace religieux, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe quand on est les premiers, qu'est-ce qui se passe quand on crée des clusters, quand on crée des centres, quand on crée des nouvelles frontières, on change l'urbain, on crée de l'informel. Et je voulais finir par cette vignette ethnographique à Kinshasa. Donc j'ai bossé aussi un peu là-dessus. C'est les collines autour de Kinshasa, c'est du périurbain, et on voit les pentecôtistes qui s'y rendent pour faire des veillées de prière, pour prier tout seul, pour faire en groupe, etc., pour s'y recueillir. Et on a vraiment un embryon qu'on pourrait parler d'urbanisation, c'est-à-dire on a des posters qui commencent à être collés sur les arbres, on a des petits commerces qui arrivent. Donc là, on est vraiment dans le pionnier, quoi, le pionnier au carré. Et voilà, donc ce sont, je pense, des processus qui sont toujours très intéressants à suivre. Voilà. Merci beaucoup.